وكلما مر يوم يأتيه يوم آخر أفضل منه، وتأتي العشر الأولى ثم تتبعها العشر الثانية، والإنسان ما زال يتقدم ويتطور وقلبه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى حتى تدخل عليه العشر الأوائل، فتجده مستعدا لصيام النهار كما يجب أن يكون الصيام، وقيام الليل كما يجب أن يكون القيام، وقراءة القرآن كما يجب أن يتلى القرآن وأن أتلو القرآن كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ينعم الله سبحانه وتعالى عليه بليلة القدر، يكون ممن يحييها إيمانا واحتسابا، فيغفر له ما تقدم من ذنبه. ثم يأتيه يوم الجائزة، يوم العيد، وقد أدى زكاة فطره فتقبل الله سبحانه وتعالى منه صومه، فيكون من الفائزين بالعتق من النار بفضل الله سبحانه وتعالى. تتمنى حتى تتمنى اللي تحب، لن تتمنى أكثر من هذا في شهر رمضان. وإن تمنيت غيره فأنت لم تفهم ما معنى رمضان، لأن الله سبحانه وتعالى قال لعلكم تتقون أياما معدودات، لعلكم تتقون أياما معدودات. فلما أقول صمت نهار رمضان حق الصيام، حق الصيام، تجنبت فيه اللغو، تجنبت فيه اللهو، تجنبت فيه السهو، تجنبت فيه الهزل الذي يؤذي، تجنبت فيه النميمة، تجنبت فيه الغيبة، تجنبت فيه النظر إلى المحرمات، السماع إلى المحرمات، تجنبت فيه أن يكون تكون يومك كله نوم وليلك كله سهو. صلى الله سبحانه وتعالى تتمنى ما تتمنى ولن تتمنى أفضل من ذلك، أن يتقبل الله سبحانه وتعالى لك صيام هذا الشهر إيمانا واحتسابا، وقيام هذا الشهر إيمانا واحتسابا، وأن يكون القرآن لك شاهدا وشفيعا يوم القيامة. Le jeuneur, le croyant, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala appelle الصائمين والصائمات. Qu'il appelle aussi الصابرين والصابرات. Les jeuneurs et les jeuneuses. Les endurants et les endurantes. Ceux qui ont la capacité d'endurer la dureté de certaines pratiques. La discipline, la maîtrise de soi de certaines pratiques. Cela, s'il leur est donné de formuler un souhait, un vœu, eh bien, ils formuleraient le vœu suivant au sujet de Ramadan. Ils diraient, Seigneur, fais-nous parvenir, fais-moi parvenir le mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il exauce son vœu, il y vient au mois de Ramadan. Il dira, Seigneur, donne-moi un corps sain que je puisse faire ce mois de Ramadan, je puisse l'accomplir sans avoir trop à souffrir, sans avoir à gérer ma santé. S'il a la santé, il demandera à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne le temps. إثنان مغبون فيهما كثيرا من الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحة والفراغ، الصحة والفراغ، الوقت. هؤلاء الناس يشروهم بالفلوس، الصحة يشروها الناس بال. أحدهم قال لأحد الملوك، قال لأحد الصالحين اطلب ما شئت نعطيك، اطلب اللي تحب نعطيك. فقال هذا الرجل الصالح، قالوا يا أمير المؤمنين هذا الكأس فيه بقى، هذا آخر كأس في الدنيا، ما فيش، مش حد شريه مني. قالوا أشتريه بنصف ملكي. قالوا نبيعه تشربه، وما يبغيش يخرج، محبش يخرج، ونقدر أنا نخرجه لك شحال تعطيه؟ قالوا بعطيك النصف الآخر. قالوا ما أفعل بالملك، ملك كله لا يستوي شربة ماء وبولة، شربة ماء وبولة. علاج، لأنه مشات من الصحة، مشالوا ما بقاش الناس علاش علاش علاش يوقف. فالإنسان لما يحمد الله سبحانه وتعالى يحمد الله أول حاجة على الصحة، صحة البدن هذه يعرفوها الأطباء، وصحة القلب هذه يعرفوها المؤمنون. دو شوز que les gens achèteraient le plus cher possible. La santé et le temps. Donc le jeûneur, lui, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir ces deux choses-là. Un roi a dit à un saint homme, demande-moi ce que tu veux. Il lui a dit, tiens, tu répondras d'abord à certaines questions, et je verrai si ça vaut le coup que je te demande quelque chose. J'ai un verre d'eau, c'est le dernier au monde, il ne reste plus que ça. Combien tu me l'achètes? Il m'a dit, j'achète avec la moitié de ma richesse. Il dit, oui. Allez, je te le vends. Tu le vois, il ne veut pas sortir. Bloqué. Il n'y a qu'un seul médecin qui peut te débloquer. Combien tu lui donnes? Il lui a dit, je donne l'autre moitié de mon royaume. Il a dit, tu vois, ton royaume, il ne vaut pas un verre d'eau. Tout ton royaume, il ne vaut pas un verre d'eau. Toute la richesse que tu vois, elle ne vaut pas ce corps-là. Tu bois de l'eau, et tu prends ce qu'il y a de meilleur en elle, et elle sort. Tu manges la nourriture, tu prends ce qu'il y a de meilleur en elle, et tu rejettes les déchets. Tu respires l'air qui est même pollué, il est même, comment dirais-je, raffiné à l'intérieur. Tu prends le meilleur, il est rejeté. Et tu fais ça de manière inconsciente. Et tu ne te rends même pas compte que c'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala que tu devrais gérer. Tu devrais de rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne me dis pas, mais moi je suis cardiaque, alors je ne fais pas alhamdoulilah. Oui, mais tes reins, ils fonctionnent. Ton estomac, il fonctionne. Ton pancréas, il fonctionne. Alhamdoulilah, tu n'as pas une maladie pire que ça. Rends-toi compte. Rends-toi compte de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. Bien sûr. Là, nous sommes en train peut-être de vivre l'un des meilleurs Ramadan encore que nous puissions. Après, ça va être pendant la période du travail. Et là, vous verrez que vous regretterez tous les mois de Ramadan au lieu de les avoir passés dans l'ibadah. Certains les ont passés sur la plage. Qu'est-ce qu'il demanderait le jeûneur et la jeûneuse, vraiment qui jeûne? Il demanderait, j'ai dit, la santé. Il demanderait d'avoir le temps. Il demanderait d'avoir la sagesse de comprendre le verset qui dit « La'allakum tattaquna ayyaman ma'loudat » que le ramadan est fait pour que tu accèdes dans ton cheminement spirituel au degré de la piété, c'est-à-dire la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, que tu respectes Allah subhanahu wa ta'ala, que tu comprennes ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de toi. Tu demanderais que les premiers jours soient les jours du ramadan. Tu demanderais à ce que les 10 premiers jours, ça y est, le corps il est lancé, l'esprit il est lancé. Le jeûne, tu jeûnes, pas seulement la nourriture et le rapport sexuel, mais tu jeûnes sur tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Et que ta force commence à un bon niveau au début de Ramadan, qu'elle continue à grandir, et qu'elle continue à augmenter. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir la patience de venir pour la prière de l'Isha et de ne partir qu'à la fin de Tarawih. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, si t'es un vrai jeûneur, une vraie jeûneuse, de renouer le contact avec le Coran, que le Coran puisse te submerger et te travailler à l'intérieur telle une purge qui enlève toutes les crasses qui se sont entassées pendant toute une année, de façon qu'à la fin, quand arrivent les 10 derniers jours, tu es prêt, tu es lavé et tu es prêt à partir à la quête. Vous savez, la recherche du Graal qu'on raconte dans les légendes, celtes, à la recherche de ce verre dans lequel, qui serait le verre de la vie. Eh bien, le verre de la vie, il t'est offert une fois par an sa quête, une quête de 10 jours à la quête de Laylat al-Qadr. Cette nuit, si tu es présent parmi ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala, imanan wa ihtisaban, inshallah, tu n'auras plus rien à craindre le reste de ta vie. Et tu pourras mourir le lendemain qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aura pardonné tous tes péchés, tant qu'il n'y a pas les droits des autres qui n'ont été pas trouvés. Voilà ce que demanderait un jeûneur, un vrai jeûneur. Il demanderait à ce que, quand arrive le jour de la fête, que ce soit la fête, ce soit comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yawmul ja'iza, le jour de la récompense. Le jour de la récompense. Voilà un beau programme, la plus belle de toutes les retraites, la plus belle de toutes les purges, la plus belle de toutes les cures qui vous retravaillent de l'intérieur, qui vous donne la maîtrise de votre nourriture, de votre boisson, de votre sommeil, de votre calendrier. Votre calendrier, si vous avez bien passé le mois de Ramadan, vous allez commencer à vous sentir un peu mal, là, dans les 10 derniers jours. Ça y est, il est en train de partir. Vous seriez capable, si vous aviez aimé le mois de Ramadan, de verser la petite larme et ne pas être comme ceux, Ubad al-Halira, comme on les appelle, qui, le jour de l'Aïd, il dit, tiens, partir al-Halira, violise l'Abiya et on va se régaler. On se réjouira, non pas que la nourriture va revenir, on se réjouit juste parce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, ce jour-là, il donne ses récompenses à ceux qui l'ont mérité. ويعلمكم الله يا أخي المؤمن كل سنة كل سنة في رمضان تتعلم كيف يجب أن تبني حياتك. فهموا الكلام الله يستر عليكم، ربما ما قدرت أشرح لكم أكثر مما عندي، ولكن فهموا يا أخوان أن حياتك خاصك تبنيها كيف كي تبنى رمضان. حياتك كلها يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. حياتك اعلم أن المسائل اللي كتحب كلها رب راه غتمشي منك وحده وحده. تعلم تصبر عليك، تعلم تصبر عليك. رمضان يعلمك الصبر على الشدة. حياة الإنسان هي أن يخرج من هذه الدنيا لا له ولا عليه. هل شكيت من ذلك؟ كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قالوا له أعطي الخلافة لولدك. قال لهم والله يا أخوانا يكفي واحد من بيتنا تقلد أمر المسلمين، وإنما أنا واحد الإنسان بغيت يوم القيامة نتمنى. اش كنتمنى؟ نوصل لواحد الوقت الله سبحانه وتعالى يحيي الذنوب ديالي، ما عليا حتى ذنب، صافي، ما باقي حتى حاجه اخرى. ما طامعش شي حاجه الا ان الله سبحانه وتعالى يغفر لي ذنبي. فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. اللهم اجعلنا واياكم من الفائزين. حياتك كلها، رمضان كله كيفاش كدوز؟ كتتمنى ليله القدر. حياتك كلها خاصك تتمنى الوقت اللي تكون فيه كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. توبوا إلى الله توبة نصوحا. فعمرك عنده واحد ليلة القدر تاعه تهوي، واحد الوقيته اللي غادي توقف وغتقول كفى من الذنوب، كفى من اللعب، كفى من الخوى الخاوي، كفى من أن الإنسان لا يفهم أنه سيموت، كفى من الغفلة. أن كنفيق مع الصباح وكنقول له راه هذا في العشية إن شاء الله نتلاقى، وهذيك إن شاء الله عنده راه غير جديزة في الطريق. ما هيش إن شاء الله بتاع واحد الإنسان اللي يقول لك إن شاء الله. إن هذه أداة شرط. المشروط ها شنا هو يكون ما قلت إن شاءه الله، إلا أبغى الله سبحانه وتعالى. غادي نتقوا في هذه الليلة هذه إن شاء الله. تكون عندك ليلة القدر أنك تتوب فيها الله سبحانه وتعالى، تتوب فيها بالفعل حقيقة حقيقة. ترجع للصلوات تقيمها في الليل، ترجع للوالدين إذا كانوا ميتين تدعي لهم وتصدق عليهم، وإذا كانوا حيين تمشي ترجع عند قدامهم وتقبل أقدامهم وتطلب السماح لله سبحانه وتعالى وليهم من بعد، تصدق عليهم. إذا كانوا ما حجوش تحاول تشوف كيف تعمل شي حل باش خاوتك يتجمعوا ويعطيهم باش يحجوا. أولادك اللي كنت همك هو أنه يجيبوا الفلوس، أرجع يا أخوان الله أولادك يكونوا أولادك إلى قد يكونوا أولادك في الآخرة. والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم. أما يكون ولدك في الدنيا وعدوك في الآخرة، توب سبحانه وتعالى وشوف شوف حالك معاه. إذا كنت خدمت معاه وهداه الله سبحانه وتعالى أدعي له باش الله سبحانه وتعالى يثبته، ولا كنت فرطت فيه أدعي له أكثر باش الله سبحانه وتعالى يضبط الطريق. تكون عندك ليلة القدر بتاع العمر تلتقي فيها مع الله سبحانه وتعالى. ابني حياتك كما يبنى رمضان، ابني حياتك كما يبنى رمضان. رمضان كل حياة، كل نهارك عبادة وكل ليلك عبادة. اجعل حياتك كذلك، نهارك عبادة وليلك عبادة. فإن لم تستطع بالفعل فاستطع بالنية، استطع بالنية. خرجت تطلب رزق، طلب رزق حلال ونويه لله سبحانه وتعالى. انعس باش ترقد باش تستراح، انويها باش تتقوى على صلاة الفجر. حوشت شوية فلوس باش تتصدق على على على على الفقراء، ولا باش تكون حياتك كلها مبنيه على انها عباده. يعلمك رمضان انك في الاخر كتتسنى النتيجه، وما يوقع لكش كما قال الله سبحانه وتعالى: حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت. لعل هذا شكون كيوقع فيها؟ المفرط المؤمن الحقيقي كيقول فيه الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا، إن الذين استقاموا وقالوا ربنا الله، تتنزل عليهم الملائكة. إمتى؟ في وقت الموت. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم، إلى آخر الآية. انت اللي عندك لي مالات، شفت هذاك الجويستيك اللي كيلعبوا به الاولاد؟ راه في يدك والله يا اخو، راه في يدك، في يدك. انت اللي طلب العون من الله سبحانه وتعالى، وابني حياتك كما تبنيها في رمضان. اجعل همك اليوم الذي ستقف فيه بين الله، بين يدي الله سبحانه وتعالى. فاما من اوتي كتابه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. أش كان يعمل هذا الإنسان؟ إنه كان في أهله مسرورا، عاجب الحال. نحكي لكم ديما القصة ديال هذا الإنسان وما نمل منها. قال لك أخويا علاش غيعذبني ربي؟ أنا نعمل الخير ونعمل. الراجل ما يحطش جبهته للأرض، ما يحطش جبهته للأرض، ما يعرفش فين كاينة القبلة، وقال لك باغي يدخل للجنة. أنت تهبل عشري معايا انا، راك تضحك عليا لان ما نفهمش في العشره، ولكن تعملها مع الله سبحانه وتعالى. ما تقرب الي عبدي احب الي مما افترضته عليه. اش نطلب منك الله سبحانه وتعالى؟ ذكروا الجمعات السابقه، اجمع الخير اللي عملته كامل الى ما عملتش داك الشيء اللي يطلب منك الله سبحانه وتعالى، جمعوا وديروا في السيلوفان ورميه، رميه الله ما يصلحش. إذا رضي الله على العبد غفر له ذنوبه، وإذا سخط على العبد رفض منه حسناته. اسمع، إلا أرضى عليك ربي داك القبيح بتاعك، أولئك يبدل الله سيئاتهم الحاجة الخيبية رضها لك الإنسان الله سبحانه وتعالى. إلا أنت ما أنتش مليح، ما أنتش مؤمن، اسمع، أنتش مؤمن تعمل الخير والله سبحانه وتعالى يقول لك نعم، ما حاجتي بيش ما حاجتي بيش. إذا يكون همك ماذا سيقول الله سبحانه وتعالى فيما فعلت؟ كيف احنا كنتبناو أننا نوصلوا العيد ونفرحوا والله سبحانه وتعالى يعني. ابني حياتك كما يبنى رمضان. هم أن رمضان يعلمك كيف تمشي إلى الله، كيف تحيا وكيف تموت، كيف تكون عبدا لله. اتقوا الله ما يعلمكم الله. فإذا تعلمت هذه الدروس في رمضان فمرحبا بين أحباب الله وأوليائه. وإن لم تتعلم فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه من بلغ رمضان ولم يغفر له. قال لك نيفو في التراب، شنو احنا الواحد الانسان لما يطيح على نيفو كلنا نضحكوا ياه هكذا. وصل رمضان وما غفرلوش الله، وصل رمضان وما غفرلوش الله، عيب، حشومه حشومه. معلم أن رحمة الله سبحانه وتعالى في رمضان لا حدود له. غير خود غير خود هذا الضعيف العية من العية يجي غير بنية يقوم ركعتين مع الإمام يهز معاه الأطنان بتاع بتاع الحسنات. ولكن إلا كان يفهم، ما لما كانش يفهم فلينا وليه الله. Le ramadan, il a une vocation, comme je vous ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala l'a construit de façon à ce que tu construises ton cheminement vers la réalisation de la piété. Autrement dit, pour que tu construises ton chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala. Apprends. Tu as eu un stage d'un mois pour savoir comment refonder ta vie. Vous savez, les charlatans de la, comment on appelle ça, du développement personnel. Ils ont inventé des dizaines et des dizaines de moyens pour te faire redécouvrir les trésors enfouis qu'il y a en toi. Et on va te comment dire, à coup de méthode Koué, t'es le meilleur, t'as du potentiel, t'as machin. Wallah al-Azim, si tu vis un seul Ramadan, avec l'idée que tu vas construire ta façon de comprendre ta propre vie sur l'espace d'un mois. Sur l'espace d'un mois, tu vas apprendre comment je refonde toute ma vie. Eh bien, tous les stages de développement personnel, tout comme ça, ils peuvent les garder. Et ça ne te coûte rien. Juste, sami'na wa ata'na. Dis, j'écoute ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit. Qu'est-ce que Ramadan ? Ramadan est une contrainte. Ramadan est une contrainte. La vie en est une aussi. Comprends ça. Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Al-Qadr Shiqa, il dit, Ya ayyuha al-insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famula. Ô toi, homme, le homme dans le genre humain, tu ne cesses de courir et de courir et de courir pour rencontrer ton Seigneur, et tu vas le rencontrer. Et tu vas le rencontrer. Mais, il y a un chemin, il y a une personne qui va marcher sur ce chemin. Et il y a une façon sur ce chemin. Et c'est à toi de décider sur quelle cadence, sur quel rythme, est-ce que ça va être une ligne droite, ça va être des zigzags, est-ce qu'il va y avoir des escales, est-ce qu'il va y avoir des retours en arrière, est-ce qu'il va y avoir de la force, est-ce qu'il va y avoir de la mollesse, est-ce qu'il va y avoir du dégonflement, est-ce qu'il va y avoir du chemin à rebours où tu vas... C'est à toi de décider. Le joystick, comme je disais tout à l'heure, il est entre tes mains. La molette là, il va montrer. Elle est entre tes mains. La'allakum. Allah subhanahu wa ta'ala est au même outil. Allez, qu'est-ce que tu veux ? La vie est une contrainte. Pourquoi ? Parce que c'est une course. Et une course qui arrive où ? Il y a des gens qui le savent. Qu'au bout, il y a Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens qui ne le savent pas. Mais il y a Allah subhanahu wa ta'ala. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب. Quant à ceux qui ne croient pas, leurs œuvres, c'est comme un mirage. Ils courent derrière le mirage. Il arrive, il dit ça y est, l'endroit que j'ai vu, il est là. L'eau, elle doit être ici. Il ne trouve pas l'eau, il trouve Allah. Et qu'il lui règle son compte. Et certes, Allah est prompt à régler le compte des gens. Rapide. Donc que tu le saches ou que tu ne le saches pas, tu es en train de courir. Au bout, il y a Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadan, au bout, il y a l'Aïd. Quelle que soit ta façon de faire Ramadan, au bout, il y a les 29 ou 30 jours où il va falloir arrêter. Obligé, tu ne t'as pas le droit de jeûner. Il y a la récompense qu'on fait. Comment on construit Ramadan ? Souvenez-vous des vœux des jeûneurs que je vous ai dit. C'est d'être à la hauteur. Eh bien, construis ta vie de cette façon. Et ce n'est pas les outils qui manquent. Allah subhanahu wa ta'ala t'a mis arkan al-islam et arkan al-imam pour te maintenir sur ce chemin-là. Tu sais que Ramadan, il y a des ahkam. Il y a des lois d'Allah. Tu peux perdre le bénéfice de ton jeûne. Si tu rates une journée, tu sais ce qu'il faut faire après. Si tu es malade, tu sais ce qu'il faut compenser. Tu sais que ça commence à telle heure. Et ta vie aussi, elle est comme ça. Les jeunes là, la fille que tu vas épouser, demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te guider pour ne pas te tromper. La façon dont tu vas contracter ce mariage, il y a des règles. La voiture que tu vas acheter, le travail dans lequel tu vas travailler, la relation que tu as, il y a des ahkam d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant tout ce que tu fais. Ramadan t'a appris que tu ne peux pas le jeûner sans connaître les ahkam, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé. Ta vie, tu ne peux pas la mener si tu ne sais pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis comme article de loi concernant chacun de tes faits, chacun de tes gestes. Ramadan, il lui faut une dose de connaissance. Ta vie, il lui faut une dose de connaissance. Parce que vous, j'ai dit, il y a Allah. Au bout, il y a Allah. Ramadan t'apprend la graduation. Tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. Et au bout, il y a Laylatul Qadr, tout à la fin, vers les 10 derniers jours. Ta vie aussi construis-la de cette façon-là. Construis-la humblement dans l'ibad et monte tout doucement. Fais pas comme beaucoup de gens, dès qu'ils reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, il est au sommet. Au bout d'un an, tu le trouves dans le bas d'en face. Pourquoi? Parce que c'est comme ses piles rechargeables. Il a bouffé toute la charge et il n'a pas su la garder jusqu'au bout. Sache te ressourcer. Ramadan, l'intensité de Ramadan, elle t'apprend que ton esprit, il a besoin de toutes ses ressources. Parce que ton cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala est un cheminement ardu. Un chemin difficile, c'est un chemin où il y a pas que des descentes, il y a aussi des montées très très très très difficiles. Ramadan t'apprend la quête, l'idée de la quête, aller chercher à laver, à se nettoyer. Il y a Laylatul Qadr au bout. Sache trouver la Laylatul Qadr de ta vie. Sache la trouver. C'est quoi Laylatul Qadr de ta vie? Le jour où tu vas regarder la vie avec les yeux bien ouverts. Bien ouvert. Tu sauras évaluer tout le mal que tu as fait et que tu ne seras pas trompé par le peu de bien que tu as fait. Wala tamnun tastakthir. Wala tamnun tastakthir. Quand tu comptes le bien que tu as fait, tu vas trouver que tu as fait beaucoup. Mais ton œil, l'autre œil qui est borgne, Amma, il n'a pas vu tout le mal que tu as fait. Et que le jour du jugement dernier, ce mal va bouffer ce bien et il n'y aura rien. Sois pas dupé, sois vigilant. Ramadan se t'apprend à te méfier de tout, même de la parole que tu dis, parce qu'elle pourrait corrompre ton jeûne. Dans la vie, c'est la même chose. Trouve ta Laylatul Qadr. Ta Laylatul Qadr. Qui va provoquer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala appelait At-tawba an-nasuh. Ya ayyuha alladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Et que tu t'arrêtes et tu dis, c'est le moment de faire les comptes. Allez, hasibu qabla an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. C'est le moment de la peser. Vous savez, si vous voulez prendre un bateau, vous allez prendre l'avion. On vous dit vous avez droit à 20 kilos. Si tu les pèses à la maison, je les pèse à la maison, tu sais, j'ai 19,999. C'est bien, il n'y aura pas de problème. J'arrive, je pose, je valide le billet, je monte. Vrai ou faux? Tu ne pèses pas à la maison. Tu arrives à dire, oui monsieur, vous avez 7 kilos de trop. Et ce sera 100 euros le kilo. Là, il va falloir trouver une solution. Fais pas cette bêtise. Le jour du jugement dernier, c'est trop tard pour tout règlement. Tu dois régler de tes hasanats. Quand il n'y a pas plus de hasanats, tu dois régler de tes hasanats pour la partie. Sois vigilant. Provoque ta propre Laylatul Qadr. Une nuit où tu vas pleurer sur le mal que tu as fait. Une nuit où tu vas dire, eh bien maintenant, assez de bêtises. Stop. Voilà. C'est bon. S'arrête. Et qu'on regarde la campagne quelques décennies parfois, quelques années, les enfants, est-ce que j'ai été à l'auteur, les voisins, mes parents, est-ce que j'étais à l'auteur, s'ils sont morts, c'est pas trop tard, tu peux encore faire la sadaqa, tu peux encore s'occuper des vivants, de leurs frères et de leurs soeurs, peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala rachètera tout le mal, ou tout le déficit de leur. Et la quête de l'aïd, jour, tu vas pas. Quand tu vas, Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là n'ira pas en mort. Celui qu'on a écarté de l'enfer et qu'on a fait entrer au paradis, celui-là il aura gagné. Ramadan, t'apprends à marcher vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu restes encore quelques jours. Peut-être aller piquer le 100 mètres, le dernier 100 mètres, parce que peut-être tu as traîné un petit peu les pattes depuis le début de Ramadan. Allahumma salli ala Muhammad. وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك الفهم في الدين. اللهم إنا نسألك الفهم في الدين. اللهم إنا نسألك الفهم في الدين. Seigneur, donne-nous la compréhension de la religion. Tu nous éduques tous les jours. Donne-nous la conscience de cette éducation. Que tous les messages que tu nous envoies chaque jour, des messages de miséricorde, des messages de bienveillance, que nous puissions les recevoir. Allah subhanahu wa ta'ala, tu nous as créés incomplet. Et tu nous as demandé de compléter ce qui reste par nos œuvres. Mais tu sais que nous sommes faibles. Et tu sais qu'il nous faut encore ton aide, et encore, et encore, et encore, et encore. Et nous comptons sur cette aide-là. Pour que nous retrouvions le chemin des mosquées que nous avons retrouvé pendant le mois de Ramadan et que beaucoup d'entre nous vont abandonner après. Que nous retrouvions le chemin de la vie familiale que nous avons reconstruite pendant le mois de Ramadan et que certains d'entre nous vont essayer, vont disperser dès le lendemain, voire même le jour même de l'Aïd. Que nous retrouvions le sens de le Coran, que nous retrouvions le sens de la vie, le sens de cette nourriture qui est devenue tellement délicieuse et tellement précieuse à 22 heures que ce goût-là ne nous quitte pas. Le goût de ni'ma, le goût de l'ibad, le goût de l'adoration, le goût de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a le secret de mettre même dans les choses qui ne sont pas bien cuisinées, mais elles deviennent tellement bonnes, tellement délicieuses, parce que c'est le moment de les manger. Parce que c'est le moment de les manger. Parce que c'est le moment où Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de ce que tu as fait dans ta journée. Il te dit, prends ta récompense. Seigneur, que notre récompense le jour du jugement dernier soit aussi belle que les récompenses que tu es promis à beaucoup d'entre nous le jour de l'Aïd, parce que tu les as rachetés de l'enfer. Seigneur, beaucoup d'entre nous considèrent encore que la dépense fi sabilillah est une corvée. Dès qu'on leur parle argent, ils serrent les dents, ils serrent les mains, ils serrent tous les muscles de son corps. Alors que on ne fait que lui montrer que celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a protégé contre sa propre avarice, ce sont ceux-là qui ont réussi. Quand on t'appelle à dépenser, allez, serre les dents, mais cette fois-ci pour le faire, et non pas pour ne pas le faire. Libère ça. Libère-toi du surplus. Allah subhanahu wa ta'ala, comme dit le prophète alayhi salatu wa salam, Wallahi, Wallahi, Wallahi, ma naqasa ma'alun min sadaqa. Il jure, le prophète alayhi salatu wa salam, que vos biens, vos richesses, elles ne diminuent pas parce que vous les donnez à Allah. Tous les gens qui l'ont fait, ils savent ce que je suis en train de dire. Ahad kibar l'arniya adna fil maghrib l'arabi. Un homme extrêmement. Il disait, il a dit, j'ai compris comment Allah fonctionnait avec moi. Quand je donnais 3 millions, je savais que dans les mois à venir, 10 allaient venir. La bénédiction d'Allah. Allah bénit ce qui reste. Puis quand il accepte ce que tu as donné. Si tu veux garder le tout, tu vas garder quelque chose de corrompu, quelque chose d'inerte, quelque chose de mort. Quand tu en prends une part, « Khudmin amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha » prélève de leur bien une sadaqa qui les purifie, qui les bonifie. Elle est bonifiée. Tu trouveras les faits dans tes enfants. Tu n'auras aucun problème, Inch'Allah, pour les éduquer. tu le trouveras dans ta santé. Peut-être que dans le qadar d'Allah subhanahu wa ta'ala, une maladie terrible allait arriver avec une sadaqa. Aswa sadaqatu burhan, comme dit le prophète alayhi salatu wa salam. Aidez du'a par sadaqa. Aidez vos invocations par le don. Donnez. Il va falloir qu'on prenne le verbe donner et qu'on le conjugue à tous les temps. Et qu'on l'apprenne de nouveau. Parce que le verbe prendre a pris trop de place. Donne. Mais on prend toujours nous dans l'autre sens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa plus grande qualité, qui faisait incliner ses propres ennemis, c'était sa générosité. On disait de lui, il ne connaît que ça. Ça. Pour l'argent, prends. Les bédouins qui étaient connus par leur, ils aiment l'argent. C'est ce qu'ils se disaient entre eux. Allez à la Mecque, allez à Médine. Il y a un homme qui donne, on dirait qu'il ne craint pas la pauvreté. Il y a là-bas un homme qui donne tellement qu'on dirait qu'il a un puits sans fond et il pioche dedans. Mais parce que le prophète, ça, ça savait qu'il il prenait où ? Il prenait dans le trésor d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le trésor d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu prends dans le trésor infini, ceux qui ont fait un peu de maths, l'infini moins 100 milliards, ça fait toujours l'infini. Comprenez ça. L'infini, on l'appelle l'infini parce qu'il est infini. Il ne finit pas. Et la richesse d'Allah subhanahu wa ta'ala est infinie. Et quand tu donnes la sadaqa, tu prends du peu que tu as pour prendre part dans l'infini de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne. Allahumma salli ala Muhammad.